Document 3, page 76. Salut Nicole, ça va? Tu as fini tes courses? Pas du tout. Je suis partie tôt ce matin, mais je suis passée chez le poissonnier pour commander un plateau de fruits de mer. Et je suis restée là-bas 40 minutes. Toi, tu es allée chez le coiffeur hier. Oui, hier matin. Ça te plaît? Beaucoup. Tu sais où je peux trouver des soupes? Oui, il y en a au rayon des surgelés. Elles sont bonnes. Pourquoi vous n'êtes pas venue au tennis jeudi dernier? On est sorti tard du bureau avec Fred et on est allé au nouveau supermarché. Tu sais, près de l'université. Et alors? Bof, c'est très grand. Il y a un parking de 3 étages. Mais ça n'a pas été facile de trouver une place. On est monté et on est descendu 3 fois. Vous avez fait vos courses là-bas? Oui et non. On a rempli le chariot, on est arrivé à la caisse, et quand on a vu la queue, on a laissé le chariot et on est parti sans les courses. Alors la semaine dernière, on a mangé des pâtes et du riz.